Chapitre 2e. Pendant 4 jours et 4 nuits, l'Indien résista. Rien ne put faire fléchir sa froide énergie. Ses bourreaux lui refusèrent jusqu'à la plus petite parcelle de substance alimentaire. Il endura la faim sans proférer une plainte. Il n'eut pas une goutte d'eau à boire. Ses lèvres desséchées laissaient échapper un râle saccadé, mais ils gardèrent le secret de l'or. Les misérables se relayèrent pour l'empêcher de dormir. L'insomnie faillit le tuer. Il fut pris de crampes, de nausées, de syncopes. Il ne parla pas. Benoît assistait impassible à cette longue agonie. 10 années écoulées n'avaient rien enlevé à sa brutalité. Mais comme il le disait avec son hideux sourire de tortionnaire, il avait plus de méthode que jadis. Maintenant qu'il opérait pour son propre compte et sans entrave, il pouvait donner carrière à sa cruauté. Il était né féroce, et comme ses instincts se trouvaient d'accord avec ses intérêts, il éprouvait une véritable jubilation de bourreau amateur qui trouve une occasion de donner l'essor à son dilettantisme. « Tu vas le tuer, » disait Tingui, « la belle avance s'il meurt entre nos mains. »« Tais-toi non, poule mouillée, est-ce que ça crève comme ça, un peau rouge? Et d'ailleurs, il est à point maintenant. Je te garantis qu'il va être raisonnable avant ce soir. » La preuve, c'est que pendant que Bonnet va l'empêcher de dormir, soit en lui chatouillant les pieds avec des épines d'awara, soit en lui ratissant le cuir avec une branche de kunanan, nous allons tout préparer pour le départ. Il nous faut au moins pour 3 mois de provisions. Heureusement que ma soute aux vivres est copieusement garnie. L'arrimage dans le canot sera l'affaire de 2 heures à peine. Allons, un bon coup de sec pour vous remonter. Toi, Bonnet, mon fils, veille au grain. Ah, pas peur, répondit le forçat, avec un rire semblable au glapissement d'une hyène. Les 3 gredins entassaient rapidement les barils, les caisses et les ballots, quand un cri qui n'avait rien d'humain vibra dans la nuit. C'était un appel déchirant, renfermant tout ce qu'une créature peut endurer d'angoisse, révolte suprême de la matière animée contre la souffrance arrivée à son paroxysme. « Mais il le tue !» s'écria Tingui moins féroce, ou peut-être plus avare. « Laisse donc, s'il crie si fort, il n'y a pas de danger. Jamais un homme contu ne vocifère de la sorte. » « Tu devrais savoir, » ricana-t-il, « qu'on dit que les grandes douleurs sont muettes. Tout ça, c'est possible, mais si à force de le charcuter ainsi on lui colle une bonne fièvre. La quinine n'a pas été inventée pour les chiens, et bien qu'un peau rouge ne vaille pas mieux, on lui en administrera en temps et lieu. Tu as réponse à tout, mais je voudrais bien ne pas l'entendre. » Un second cri plus désespéré, qui se termina par un rauque hurlement, lui coupa la parole. Je ne croyais pas que Bonnet fût si habile. Voyez-vous ça? L'Indien était allongé comme un mouton paresseux, maintenant le voilà qui chante comme le héron butor. Décidément, il est à point. Rentrons à la case maintenant que la pirogue est parée à marcher. Ils arrivèrent au carbet à peine éclairé par les flammes du foyer. Jacques, tordu par la douleur, les yeux éteints, la face convulsée, claquait des dents et râlait. Son bourreau, assis en face, dardait sur lui son regard mauvais. Un sourire diabolique plissait ses lèvres minces, et sa face de putois aux joues plates, au menton absent, avait comme des crispations de bien-être. Voici ce qu'avait inventé le misérable. Il s'aperçut que l'infortunée victime, abattue par le jeûne, terrassée par l'insomnie, ne sentait plus les piqûres des épines. « Cet animal-là a la peau plus dure qu'un mail pourri. Ça s'enfonce comme dans une pelote, et il ne fait pas seulement ouf. Attends un peu, mon bonhomme. » Il avisa un fusil à baguette accroché au-dessus du foyer en prévision de l'humidité, retira cette baguette, assujettit le tire-bourre, puis hésita un moment. Il se tâta partout, se pinça comme s'il eût cherché l'endroit le plus sensible, puis il sourit, il avait trouvé. Saisissant alors une des mains de l'infortuné immobile, ligoté comme un condamné à mort, il plaça le tire-bourre au bout de l'index, puis tourna lentement la baguette. L'instrument se compose, comme l'on sait, de 2 spirales opposées, se terminant par 2 pointes éloignées l'une de l'autre d'un 0,5 cm. L'une pénétra sous l'ongle, pendant que l'autre s'enfonçait sous la peau. La chair blêmit, une goutte de sang perla. La torsion fut tellement énergique que l'acier cria sur l'os. Jacques, secoué par une terrible commotion, sortit de sa léthargie et jeta le premier cri. « Parleras-tu ? » lui dit d'une voix sifflante le bandit. « Nous diras-tu où est l'or? Nous conduiras-tu ?»« Non !» rugit l'héroïque enfant, les dents serrées, la poitrine haletante. Le forçat donna encore un tour, puis un autre. La sueur ruisselait sur le corps du martyr, sa bouche écumait, un hurlement lui échappa. « Puis tu sais, quand on t'aura chatouillé comme ça les mains, ce sera le tour des pieds. Allons, ne fais pas la bête. »« Eh bien, Galina, es-tu décidée à nous servir de guide » termina-t-il en donnant un coup sec qui faillit déraciner l'ongle. Jacques râlait. « Oui, oui. » Les trois complices arrivaient à ce moment. « Jure-le. »« Oui, je le jure. » »« Ou alors ?»« Remontez le Maroni pendant... » La voix devint inintelligible. « Pendant combien de temps ?» reprit le bourreau en tordant le doigt mutilé. « 6 jours. »« Oh, misérable !»« c'est bon, et après ?»« La crique. »« Quelle crique ? À gauche, à droite, allons, dépêchons-nous. »« À gauche. »« La 6e. »« Après. »« Après le rapide. »« Allons. »« En voilà assez. » intervint Benoît. « Nous avons 6 jours devant nous. » Quand nous aurons bourlingué pendant ce temps sur la rivière, nous aviserons. Sacrebleu bonnet, quel bon juge d'instruction tu fais, mon camarade. Pouh ! Répondit modestement le bandit, en retirant doucement le tire-bourre. Les curieux, les magistrats, ne savent pas leur métier. Oui, oui, je comprends. S'ils employaient des petits moyens comme cela, il n'y a pas un fagot qui garderait sa tête sur ses épaules. Ils bouvineraient comme des lapins. Ça, c'est sûr. Aussi, l'on dit à l'instruction que ce qu'on veut bien laisser perdre. Et je t'assure qu'il n'y en a pas un qui endurerait pour sauver sa peau la 1000e partie de ce que ce peau rouge de malheur a souffert. Enfin, puisqu'il consent, cela m'épargnera la peine d'employer mes petits moyens. Tiens, c'est vrai. Tu m'avais dit que tu avais aussi un procédé pour le faire parler. Peut-on connaître la recette ? Comment donc, mais avec joie. 6 pouces de mèche soufrée autour des orteils, et je te garantis qu'il aura beau mettre à ses mâchoires la serrure d'un coffre-fort, il faudra qu'il parle. C'est parfait. Et tu t'y entends, répliqua le bandit en accompagnant son hideux éloge d'un sourire plus hideux encore. Et maintenant, en route, mes agneaux. Votre évasion va être connue d'ici peu. Avant 4 heures, les embarcations du pénitencier fouilleront les 2 rives, et il ne fera pas bon ici. D'autant plus que je ne dois pas être là-bas en odeur de sainteté. Ah, si j'étais encore là, grogna-t-il en fronçant le nez comme un limier en quête. Avec ça, que t'en ferais beaucoup plus long que les autres. Fit un Guy en versant le coup de l'étrier. Je me suis laissé dire par les copains qu'il y a 10 années, tu as été joliment refait par un malin. Oui, riposta rageusement l'ancien garde chiourme. Un malin, comme tu dis, et qui en aurait mangé 4 comme vous. Pourtant, si je n'avais pas eu une patte croquée ce jour-là par un tigre, je vous fiche mon billet que j'aurais bridé comme ce peau rouge de 4 sous. Un tigre ? S'écrièrent les 3 coquins. Intéressé comme les reclus à la perspective d'une histoire dramatique. Il y avait un tigre. Oui, et il était de taille. Eh bien, ce fagot de malheur lui a coupé d'un seul coup de sabre le cou comme un poulet. Eh bien, et toi, qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? Moi, je me pâmais comme une carpe entre les 2 morceaux du tigre. Et le fagot marron, qu'est-ce qu'il l'a fait? Ce n'est pas ton affaire, répondit brutalement Benoît. En route. 5 minutes après, la pirogue immergée jusqu'à 5 centimètres du plat-bord glissait silencieusement sur les flots du Maroni. Jacques, les jambes entravées, avait les mains libres. Il dévorait avidement un morceau de gigot de cariacou. Son œil noir reflétait une haine féroce. « Le secret de l'or est mortel, » avait-il dit en prenant pied dans la chaloupe. « Je vous conduirai, mais il vous tuera. Nous mourrons tous, » termina-t-il avec une joie sauvage. « C'est bon, » reprit Benoît avec son rire bestial. « Va toujours, mon garçon. Nous nous ferons assurer sur la vie. Nos héritiers auront de quoi s'amuser. En attendant, bois, mange, dors si ça te fait plaisir. Mais tâche de ne pas nous mettre dedans, car tu sais, moi, je ne ris que quand je me brûle. » Jacques ne répondit pas. 6 jours après, l'embarcation avait franchi le rapide, pénétré dans la crique indiquée par le jeune homme, et s'était arrêtée un moment devant le seau. Les événements auxquels nous avons assisté au commencement du chapitre précédent s'était accompli. Jacques était libre, et Bonnet venait de tomber, frappé à la cuisse d'une flèche indienne. « Mais c'est de l'or !» s'était écrit Benoît, après avoir essuyé la pointe souillée de sang. Les 4 bandits, les yeux luisants, regardaient ce morceau de métal grossièrement travaillé. Le blessé lui-même semblait avoir oublié sa douleur. Il ne pensait pas à étancher le sang qui coulait en filets noirâtres sur sa jambe nue. « De l'or !» À cette vue, leurs convoitises se réveillèrent plus ardentes que jamais. il toucha enfin à ce mystérieux pays que nul parmi les Blancs n'avait encore foulé. Leur vœu allait être comblé. La légende de l'Eldorado devenait une réalité. Qu'importait que ce premier échantillon du précieux métal arrivât sous la forme d'un sinistre messager de mort? Au contraire, cet emploi de l'or affectait un usage si vulgaire, n'indiquait-il pas sa folle surabondance? Qu'importait aussi l'évasion de l'Indien, dépositaire du fameux secret? Ses premières déclarations, ajoutées à ce que Tanguy avait pu surprendre de sa conversation au pénitencier, suffisaient à ces hommes résolus, bien pourvus d'armes, d'outils ainsi que de provisions, et ignorant jusqu'à l'ombre d'un préjugé. Jacques avait dit au docteur et au commandant, « Après 2 jours dans la crique, on trouve 7 montagnes. » Or, une éminence boisée se découpait en bleu intense sur l'horizon pâle. Il pouvait conclure, avec d'autant plus de raison, que cette montagne était une de celles désignées par l'Indien, que la provenance de la flèche envoyée par l'archer inconnu ne pouvait être douteuse. « Restez ici, » dit enfin Benoît, « ne me semble pas sûr. Une pointe en or ne vaut pas mieux qu'une pointe de fer quand elle se trouve au beau milieu du torse. En retraite, mes gars, à moins que Bonnet ne veuille profiter de l'occasion pour servir de cible et faire cadeau à chacun de nous d'une 12 de ces joujoux-là, ça vaut 100 francs, comme 1 liard. « Merci, je sors d'en prendre, » riposta le brandy qui commençait à pâlir. « Eh bien, je le répète, en retraite, la nuit nous portera conseil. » Ils escaladèrent les troncs et les branchages épars en soutenant le blessé, retrouvèrent leur pirogue et atteignirent sans encombre le patois dont les 3 branches se dressaient toujours sur le roc. Après une longue nuit agrémentée de rêves d'or, les aventuriers résolurent de pousser activement leur travail de sape et de s'ouvrir un passage. Bonnet fut laissé à la garde du campement. Sa blessure, peu grave en somme, nécessitait pourtant quelques jours de repos. « Voyez-vous, » disait Benoît, en remontant la crique jusqu'au barrage végétal, « leurs damnées flèches ne peuvent nous atteindre jusqu'ici. Nous sommes d'ailleurs protégés par les branchages. Quant à nous prendre un revers, ils n'oseraient pas. » Puis Bonnet est là, avec son fusil. « Je te l'avouerai entre nous, chef, » dit à son tour Mathieu, une espèce d'imbruti sinistre qui ne parlait guère. « Je voudrais bien voir un peu clair là-dedans. »« Tu n'es pas dégoûté, toi, j'en dirai bien autant. »« Oh, toi, tu as reçu de l'éducation, moi pas. »« Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, mon éducation ?»« Rien du tout. Je veux dire que je ne m'explique pas pourquoi les particuliers qui ont jeté les arbres dans l'eau n'ont pas attendu que nous soyons dessous pour nous aplatir. »« Qui te dit que ces arbres ont été renversés à dessein et ne sont pas tombés tout seuls ?»« C'est bien possible. Mais la flèche qui a traversé la cuisse de Bonnet n'est pas partie toute seule. » Eh bien, pourquoi le particulier qui l'a lancé ne la lui a-t-il pas plantée au beau milieu de la poitrine? Qui sait s'il n'y essayait pas? Mais non. Tu n'ignores pas qu'un Indien ne rate jamais son coup. Nous les avons vus tous décrocher du haut des arbres des coatas, des singes noirs ou des paraquès, des sortes de faisans. Il en est même qui ne manquent pas à 30 mètres, un citron piqué au bout d'une flèche plantée en terre. Alors tu leur en veux de n'avoir pas traité Bonnet comme un coata? T'es bête. « Je ne leur en veux pas, je m'en étonne. Il était si facile de nous démolir un à un. Ça m'inquiète, moi. Et toi, Tanguy ? C'est pas la peine de se faire du mauvais sang pour si peu de choses. Moi, je crois que s'ils ne nous ont pas échenillés l'un après l'autre, c'est qu'ils n'ont pas osé, ou bien... »« Ou bien ?» interrompit Benoît. « Ils ne croyaient pas qu'un gibier comme nous valut la flèche pour le tuer. »« Allons, assez bavardé, à l'ouvrage. Il y a là-dedans de quoi bûcher ferme. » Les 3 hommes s'escrimaient depuis 3 heures de la scie, du sabre et de l'âge. Tel était leur acharnement, telle était aussi la vigueur de leur corps endurci à tous les travaux de force, qu'ils ne semblaient pas sentir les ardentes morsures du soleil. La sueur ruisselait sur leurs torses qui fumaient comme des solfatares. Mais aussi la besogne avançait. Ces réprouvés étaient de rudes travailleurs. Les coups se précipitaient, emplissant les 3 vallées de leur sonorité, et se répercutaient à l'infini sur les cimes pressées des arbres géants. Pendant 36 heures, ils bûchèrent avec une énergie farouche, sans que rien ne devait entraver leur travail. La voie était libre. Un chenal large d'un peu plus d'un mètre coupait le monceau de troncs et de branches. Ils rechargèrent patiemment les provisions dans la pirogue, abattirent le patois et installèrent commodément Bonnet au centre sur un matelas de feuilles fraîches. La blessure du mécréant commençait à se cicatriser grâce à de continuelles effusions d'eau froide, le meilleur des sédatifs. « Tout est paré, n'est-ce pas les enfants ?» dit le chef. « En avant, et au petit bonheur. Le bonheur fut en effet de courte durée. Le canot venait à peine de s'engager dans l'étroit chenal et s'avançait lentement, pour éviter de heurter les branches, qu'une singulière musique se fit entendre dans le lointain, à 300 ou 400 mètres en amont de l'obstacle. C'était comme un solo de flûte, dont les notes basses, très douces, semblant glisser sur les eaux tranquilles, devaient se répercuter fort loin. Cette mélodie primitive, traînante, lente plutôt, peu variée, n'était pas sans charme, bien que légèrement énervante. Quiconque eût vécu quelque temps chez les Galibis de la côte, chez les Roucouyennes et les Oyampis de l'intérieur, eût de prime abord reconnu le son de la grande flûte indienne, faite avec un long tuyau de bambou. La mélopée s'arrêta au bout de 5 à 6 minutes et reprit aussitôt, sans transition aucune, une octave au-dessus. Les sons devinrent stridents et produisirent une impression tout autre. À la molle langueur provoquée par le premier motif succédait brusquement une sensation désagréable d'agacement. Des chiens mélophobes eussent poussé des hurlements désespérés. Les 4 aventuriers devinrent inquiets. Benoît, la forte tête de l'association, rompit le premier le silence. « Cette musique-là ne me dit rien qui vaille. J'aimerais mieux une franche attaque. Ces vermines nous voient parfaitement. Que diable peuvent-ils dire nous vouloir avec leurs sifflets de montreurs d'ours ?»« Mathieu et toi, Tinguy, souk ferme. Moi, je vais veiller au grain. » Il saisit un fusil qu'il arma en disant à Bonnet. « Et toi, Clampin, empoigne-moi aussi un flingot. Si tu n'es pas bon pour la nage, tu peux encore envoyer proprement un coup de chevrotine à son adresse. »« Oui, chef, » répondit brièvement le blessé. « Donne. » La musique recommençait avec des intonations basses d'une mollesse et d'une douceur infinie. Les sons qui semblaient se rapprocher partaient de l'arrivée ennemie. « Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, enfin ?» gronda l'irascible aventurier. Il sut bientôt à quoi s'en tenir. L'embarcation venait de franchir le barrage végétal, et les 4 hommes virent avec plus de surprise que de crainte la rivière couverte de feuilles de moukoumoukou, du caladium arborescent, qui relie ensemble par des lianes formait une série de petits radeaux d'une superficie de 2 mètres carrés environ. La flottille s'étendait à perte de vue et descendait très lentement en suivant le courant à peine sensible en cet endroit. « Si c'est avec ça qu'ils prétendent nous arrêter, ils perdent vraiment leur temps, » murmura Benoît. « Nous allons passer à travers ces feuillages, comme une lame de sabre dans une motte de Saint-Doux. » Comme les radeaux se rapprochaient en raison de la vitesse imprimée à la pirogue, le chef s'aperçut bientôt qu'il portait des êtres vivants, animés de singuliers mouvements. Il était debout. Ses compagnons le virent tout à coup pâlir affreusement. Ses yeux, dilatés par une folle épouvante, semblaient rivés sur un point invisible. Ses lèvres tremblaient. Sa respiration rauque et saccadée pouvait à peine s'échapper de sa bouche tordue. La sueur ruisselait en nappe de ses joues sur sa barbe. Cette terreur chez un tel homme était effrayante à voir. « Oh, les démons » râla-t-il. « Fuyons. Nous sommes perdus. C'est la mort affreuse. Les serpents, des milliers de serpents. J'ai peur. » La musique reprit, aiguë, sifflante, enragée. L'invisible virtuose descendait la rive en même temps que les radeaux à la vitesse desquels il subordonnait sa marche. Les aventuriers n'étaient plus qu'à 20 mètres. Un spectacle terrible s'offrit à leur regard. Comme venait de le dire l'ancien garde Chaume, toute cette surface feuillue était littéralement couverte de serpents. Il y en avait de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs. Tous les ophidiens de la Guyane semblaient s'être donné rendez-vous sur cet étroit espace. Ce farouche équipage de l'étrange flottille descendait lentement, à la suite du flûtiste toujours invisible, et dont la musique les faisait passer en quelques instants du calme le plus complet à la plus violente colère. Tantôt ils retombaient, rigides, comme cataleptiques sur les feuilles. Tantôt ils se dressaient, prêts à s'élancer, repliés sur eux-mêmes, la tête droite, les mâchoires béantes, la langue mobile, sifflant furieusement. Là, le terrible crotal agitait ses grelots. Ici, le formidable grage, le trigonocéphale, tordait ses anneaux robustes à côté de l'agile serpent corail, à la morsure sans remède, qui semblait jouer avec le petit aï-aï à la dent mortelle. Plus loin, le serpent chasseur à la peau tigrée, le plus audacieux de tous, semblait gourmander le serpent liane, vert tendre, à l'allure paresseuse, long de 3 mètres et gros à peine comme un porte-plume. De chaque côté s'avançait, comme s'ils eussent dédaigné ses frais appuis, l'imposante troupe des couleuvres colossales, des boas monstrueux, des pitons géants qui émergeaient de plus d'un mètre en arrondissant ainsi que des coups de cygne, leur gorge jaune, verte, bleue ou rose. Tout ce monde reptile se tordait, nageait, rampait, sifflait, entourant les forçats fugitifs d'un centre fantastique et emplissant l'air d'une écœurante odeur de musc. Les quatre hommes, glacés d'horreur, virèrent sur place en deux coups de pagaie. Il était temps. Quelques secondes plus tard, ils se trouvaient au beau milieu des Ophidiens. Le haut de la rivière, fermé comme par une muraille à pic de 100 pieds de haut, leur était absolument inaccessible. Ils enfilèrent, frissonnant de peur, l'étroit chenal qu'ils venaient de franchir et débouchèrent haletants, suant de peur, claquant des dents, près de la barre rocheuse. Comment descendre? La chute avait près de 3 mètres de contrebas. Il ne fallait pas songer à franchir ce rapide avec la pirogue qui se fût infailliblement brisée. D'autre part, comment s'échapper? À gauche s'étendait le grand bois, défendu par les hommes qui lançaient les flèches d'or. À droite, les savanes noyées. En bas, l'abîme écumant. La situation des bandits semblait désespérée. La musique continuait toujours. Les serpents avançaient, avides d'entendre cette mélodie fascinatrice. Les radeaux en feuilles de moukoumoukou s'arrêtèrent devant l'obstacle formé par les arbres abattus. Les reptiles les abandonnèrent et se mirent à franchir les branchages épars. Ce fut un spectacle vraiment étrange et terrible que la vue de ces milliers d'ophidiens, de toute espèce, de toute nuance, de toute grosseur, s'enroulant aux branches, dardant leurs langues fourchues, formant comme un lacide anneau flexible, se nouant et se dénouant sans cesse et avançant toujours en suivant cette route aérienne. L'implacable virtuose ne s'arrêtait pas, et les aventuriers voyaient avec terreur se rapprocher le moment où ils seraient complètement cernés. Peu à peu, cependant, le rythme se ralentit, les sifflements s'apaisèrent, et la terrible troupe fit halte un peu en avant de la bâtie, mais tout en semblant prête à repartir au premier signal. L'avant-garde n'attaquait pas, mais l'attitude de ceux qui la composaient indiquait clairement aux aventuriers stupides d'épouvante qu'il leur était formellement interdit d'aller plus loin. Benoît s'en aperçut. Loin de vouloir reconnaître que le mystérieux musicien, qui put d'un seul coup le donner en pâture lui et ses compagnons au monstre énervé, se contenta de rester sur la défensive, l'ancien garde Chihuahua crut qu'il hésitait. Il eut volontiers taxé sa longanimité de faiblesse. « Non, grognait-il, nous ne serons pas venus ici pour nous en aller bredouille. Attendez une minute seulement. Je vais profiter en ce moment de répit pour relever la boussole la direction des montagnes et l'angle qu'elles font avec la crique. On ne sait pas ce qui peut arriver. » Là, voilà qui est fait, termina-t-il après avoir orienté rapidement sa boussole et écrit au crayon quelques notes sur son carnet. « Allons-nous-en, chef !» gémissaient plaintivement Tinguy et Mathieu, qui, pâles, les lèvres blanches, la chemise collée au torse, grelottaient de terreur. Descendons le canot, puis les vivres, et retournons au Maroni, la partie est perdue pour le moment. « Non, elle n'est pas perdue, » riposta-t-il d'une voix brève, « il nous reste un atout en main. Que veux-tu donc encore nous faire faire ? Ne voyez-vous pas qu'un de ces radeaux de Moukoumoukou, arrêté d'abord par les arbres, s'en va lentement à la dérive à travers la savane noyée ? Tiens, c'est vrai, » fit Bonnet, en scrutant de son regard aigu depuis toi les eaux piquées de joncs clairsemés. Mais qu'est-ce que cela prouve ? Reprit Tinguy de son ton pleurard. Cela prouve, espèce de poule mouillée, qu'un courant, quelque faible qu'il soit, traverse la savane. Puisqu'il y a un courant, les eaux doivent nécessairement se déverser de l'autre côté. Je suis certain maintenant que cette savane est un lac plus ou moins grand, auquel aboutit nécessairement une rivière qui tombe ou dans le Maroni ou dans une crique plus large que la première. Eh bien, après, à quoi cela peut-il nous servir ? À ne pas descendre ce damné seau auquel nous sommes acculés par cette armée de serpents, dit-il non sans un frisson. Au lieu de revenir sur nos pas, nous allons obliquer sur la droite. Maintenant que j'ai la direction des montagnes, que nous pouvons appeler les montagnes de l'or, il nous sera facile de calculer notre route. Et si, par bonheur, cette rivière qu'il nous faut trouver remonte dans les terres au lieu d'aller se perdre dans le Maroni, nous sommes sauvés. Bien que ce colloque eût été rapide, le meneur de serpents sembla s'impatienter. Il avait commandé la halte, mais sans doute par un sentiment de magnanimité dont les 4 mécréants profitaient en dépit de leur indignité. Il espérait sans doute que la leçon leur profiterait et qu'ils allaient, séance tenant, déguerpir. Voyant qu'ils n'accomplissaient pas la manœuvre indiquée par la configuration de la rivière, c'est-à-dire, comme l'avaient demandé Mathieu et Tinguy, le transbordement des vivres et de la pirogue, il tira de sa flûte un son aigu et prolongé. Cette note sembla l'appel aux armes qui éveille un corps expéditionnaire et fait bondir à leur poste de bataille les soldats enfiévrés par la perspective de la lutte prochaine. « Tu vois ? » reprit les forçats revenus soudain à leur terreur. « La paix, Capon. Je n'emmène pas beaucoup plus large que vous. Vous êtes ici pour votre peau, moi aussi, et je n'ai pas plus envie que vous d'en laisser le moindre morceau entre les crocs de ces sales bêtes. Au pagaie, nous filons droit à travers la savane. Je gouverne sur cette grosse tache jaune qui doit être une ébène en fleurs et se trouve à près d'un kilomètre. Séparé, pousse !» La pirogue, sollicitée par 8 bras vigoureux, Bonnet, en dépit de sa blessure, voulut collaborer au salut commun, vola sur les flots endormis de la savane. C'est en vain que le flûtiste tira de son instrument les sons les plus propres à accélérer la marche des serpents et exciter leur colère. Les bandits s'échappaient sur la droite, et le charmeur immobilisé sur l'autre rive ne pouvait pas les appeler sur leurs traces. « Bah, mon bonhomme, siffla ton aise, si tu n'as pas une bonne pirogue, tu te paries à marcher, nous allons te brûler lestement la politesse. À une autre fois, et si jamais je te reconnais, je ne veux pas te laisser sur les os un morceau de peau grand comme une pièce de 10 sous. » L'imminence du premier péril était conjurée, les 4 malandrins se rassérénèrent. La savane noyée avait jusqu'alors assez de fond pour leur permettre de naviguer sans encombre. Leur canot glissait silencieusement sur les eaux lourdes et frôlait les plantes aquatiques d'où s'élevaient des essaims de maringouins. « Mais cette savane est un lac, un vrai lac, » dit Benoît. « Sacre bleu, on dirait du plomb fondu. N'importe, à côté du plomb, il y a de l'or, n'est-ce pas, Bonnet ?»« À propos, et la jambe ?»« Ça ne va pas mal. Je compte être prochainement guéri. » Je continue les compresses d'eau mêlées d'un peu de tafia, et je m'en trouve bien. C'est parfait. Nous avons eu plus de peur que de mal, mais il était grand temps, et nous l'avons échappé belle. Après tout, on n'a rien sans peine. Il ne fallait pas nous attendre à voir tomber les lingots d'or tout monnayés. En somme, nous avons obtenu un résultat assez satisfaisant. Le temps et la patience feront le reste. C'est égal, reprit Tinguy, sur les pommes et les massiers duquel le sang ne revenait pas vite. « Je donnerais bien quelque chose pour savoir quels sont ceux auxquels nous devons cette terrible échauffourée. »« Tu ne sais rien là-dessus, toi, chef ? Tu connais tant de choses ?»« Que veux-tu que je dise ?» répondit celui-ci, évidemment flatté dans son amour-propre par la naïve admiration du coquin. « Je donne ma langue à tous les caïmans de la colonie. »« Mais si j'ignore quels sont ceux qui veulent nous empêcher de passer, je suis parfaitement édifié sur les motifs qui les font agir. » Pour moi, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Nous sommes sur les confins du pays de l'or. Nos mystérieux ennemis ne se seraient pas mis ainsi en 4 pour nous arrêter si cela n'en eût pas valu la peine. Aussi, nous allons par tous les moyens possibles chercher un trou pour nous glisser dans ce paradis des lingots. Mais voyez donc, si tout ne semble pas en or ici. Cette ébène avec ses fleurs jaunes, ses cassiques avec leurs plumes d'or, ses plantes aquatiques recouvrant la savane d'une nappe d'or. « Ça, c'est vrai !» s'écrièrent comme un seul homme les 3 pagayeurs, qui, en dépit de leur prosaïsme, se sentaient remués à la vue de l'incroyable splendeur de la nature. Il est vrai qu'elle revêtait avec une folle profusion la couleur du métal qu'ils allaient conquérir, et qu'elle se parait pour eux comme une sultane, peu scrupuleuse dans le choix de son entourage. Cette étrange navigation sur des eaux mortes continua bien longtemps. La savane semblait interminable. Les aventuriers pagayaient toujours, sans que la fatigue pût avoir raison de leur farouche énergie. Ils contournaient des massifs immenses de plaines géantes, d'où s'envolaient effarés des oiseaux aquatiques, troublés pour la première fois dans leur solitude. Ils s'enlisaient dans des bancs de vases molles, s'accrochaient à des racines, s'empêtraient dans les lianes, rien n'arrêtait leur ardeur. Ils employaient à surmonter ces obstacles toute leur patience, cette patience de forçat qui fait tomber les fers, ouvre les geôles et troue les murailles. À peine s'ils prenaient le temps de manger, toute leur force, toute leur faculté se concentraient dans une seule fonction, la manœuvre des pagaies. Le soir, ils ralliaient la côte, amarraient les hamacs aux basses branches et dormaient au-dessus des flots tranquilles avec autant de calme que si leur conscience eût été à l'abri de tout reproche et que le linceul des Européens n'eût chaque nuit servi de drap à leur corps de réprouvés. Quels admirables résultats eussent produit cette force, cette intelligence honnêtement mise au service d'une bonne cause ? Benoît relevait toujours la route. Le bord extérieur de la savane, opposé à la rive de la crique aux serpents, décrivait une longue courbe qui ramenait les 4 hommes vers l'intérieur des terres. C'était une bonne fortune pour eux. Ils avaient parcouru un quart de cercle dont les rayons aboutissaient aux montagnes de l'or. Les prévisions du chef étaient pleinement confirmées jusqu'à ce moment. Si les terres noyées affectaient encore pendant 3 jours cette courbure, ils espéraient prendre à revers la région inconnue vers laquelle tendaient tous leurs efforts. Ils auraient parcouru une demi-circonférence et devraient se trouver à l'extrémité opposée de la ligne passant par les montagnes dont Benoît avait relevé la position. Peu importait d'ailleurs que ce relevé fût rigoureusement exact. La vue de ces montagnes suffirait plus tard à les guider quand ils jugeraient opportun de s'en rapprocher. Le matin du 4e jour, ils s'aperçurent que la rive semblait s'enfuir sur la droite et qu'un léger courant se faisait sentir. La chose était d'autant plus facile à constater que les eaux tenaient en suspension de nombreux corpuscules rouges de peroxyde de fer. La ligne circulaire se rompait lentement et s'allongeait en forme d'estuaire. « Allons, » dit le chef, « il faut prendre le temps comme il vient et le terrain comme il est. La savane se dirige certainement dans une crique. Où va cette crique? Nous le saurons avant peu. » Il était en effet impossible de rien préjuger quant à sa marche. Les cours d'eau de la Guyane offrent cette particularité qu'ils ne suivent pas fatalement les vallées encaissées par les collines. Souvent même, ils affectent une direction perpendiculaire au plan montagneux et arrivent au fleuve dont ils sont tributaires en formant une série de rapides. La crique alimentée par la savane noyée pouvait aller indifféremment à gauche ou à droite. La pirogue s'engagea donc dans cette dépression, analogue à la queue d'un étang, puis les bords plats, couverts de plantes aquatiques, se resserrèrent. Ça et là, on vit émerger des roches à ravets. L'eau devint de plus en plus chargée de peroxyde de fer. Bientôt la rivière n'eut pas plus de 10 mètres de largeur. La navigation dura une journée encore. Les roches devenaient aussi plus nombreuses. Benoît, qui avait l'expérience des grands bois, comprit qu'avant peu l'on arriverait à une chute. Cette perspective le contrariait d'autant plus qu'il tournait à ce moment le dos au pays de ses rêves. Un grondement sourd vient bientôt l'avertir que ses prévisions ont été réalisées. Que faire? Descendre plus longtemps était impossible. Revenir sur ses pas était périlleux pour le moment. Le digne Argousin était fort perplexe. Ce furet de Bonnet, qui en dépit de sa blessure, n'avait pas gagné son relâche, sauva la situation. « Si nous enfilions cette petite crique que j'aperçois là-bas un peu au-dessus des grosses roches. Tu vois une crique, toi? Dame, à moins d'être aveugle. Tiens là, près de l'arbre mort. » « C'est pourtant vrai, » répondit le chef radieux. « Pour comble de bonheur, elle s'enfonce sur la gauche. Allons, ça va bien, mes gars. Décidément, nous avons plus de chance que des honnêtes gens. » La pirogue s'engagea sans plus tarder dans la crique large de 5 mètres environ, mais bien encaissée par des berges de 60 centimètres de hauteur. Cette crique est un joli cours d'eau, profond, dont le courant ni trop lent ni trop rapide est extrêmement favorable à la navigation. Elle est en outre fort poissonneuse, ce qui permet de varier l'ordinaire, composé depuis longtemps de conserves et de salaisons. Benoît pense, et avec juste raison, que les montagnes entrevues jadis, les terrains qui les avoisinent, la grande savane noyée et les vases molles qui l'entourent, forment un massif relativement élevé, d'où coule en rayonnant dans toutes les directions une grande quantité de cours d'eau. Les montagnes forment le point culminant. Les savanes sont le réservoir naturel rempli à la saison des pluies et servant à l'alimentation des criques. Ajoutons, pour l'intelligence de ce véridique récit, que ce massif forme un véritable plateau borné au nord et à l'ouest par la crique Sparwine, à l'ouest par le Maroni, au sud par la crique Abunami. La limite est, mal connue, est à environ 15 km de la crique Aramuni, affluent de la Mana. Ce plateau se trouve par 5 45 minutes et 5 20 minutes de latitude nord. Le côté ouest passe à peu près par 56 40 minutes de longitude ouest. Enfin, son point culminant, très élevé, se dresse presque en face le Sault Singatete, non loin du lieu où la réunion de l'Awa et du Tapanauni forme le Maroni. Cette montagne, qui s'aperçoit de fort loin, porte le nom de montagne française. Un des officiers les plus distingués de la marine française, M. Vidal, lieutenant de vaisseau, avait quelques années auparavant, en 1861, exploré cette région complètement inconnue avant lui. Benoît ne devait pas ignorer cette brillante expédition, car la mission Vidal était rentrée à Saint-Laurent près d'une année avant l'expulsion de l'indigne surveillant. Quoi qu'il en soit, il semblait marcher maintenant à coup sûr et répéter à satiété « Nous tenons le secret de l'or. C'est sur ce plateau qu'est le clou, le point central vers lequel doivent tendre tous nos efforts. Nous fouillerons ce plateau, nous chercherons une brèche. C'est bien le diable, après tout, si les gardiens du trésor entretiennent de tous les côtés une armée permanente de serpents. » Ses compagnons, partageant ses espérances, fouillaient sans relâche de leurs pagaies les flots tranquilles. après 2 jours d'énervante et monotone navigation, ils aperçurent une légère colonne de fumée s'élevant d'une des rives de la crique. Quelques hamacs de colons blancs se balançaient aux branches, et une douzaine d'Indiens émergèrent brusquement du lit de la crique au milieu de laquelle ils prenaient leurs ébats. Il était trop tard pour reculer. Les aventuriers résolurent de pagayer d'audace. L'attitude des Peaux-Rouges n'était d'ailleurs rien moins qu'agressive. Et Benoît, qu'un séjour de 4 années avec les Galibis de la côte avait familiarisé avec le langage et les habitudes des Indiens, ne désespérait pas de tirer parti de la rencontre. On apprêta pourtant les armes afin d'être prêt à toute éventualité, puis la pirogue avança lentement. Les 4 hommes étaient à peine à 100 mètres du campement qu'une bruyante fanfare éclata soudain sous la feuillée. C'était un solo de notes peu varié, mais poussé par un souffle puissant dans l'inévitable flûte de bambou sans laquelle ne marche jamais le chef d'un clan. Tinguy et Mathieu, les moins résolus de l'équipage, frissonnèrent de la tête aux pieds. Cette mélopée de sauvages allait-elle faire surgir encore un formidable escadron d'ophidiens ? Benoît se mit à rire. « Allons, dit-il, tout marche à souhait, nous sommes signalés, et nous allons être reçus en amis. Surtout laissez-moi faire, et témoignez-moi un respect exagéré, il faut que je sois regardé comme un grand chef. »« Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda Mathieu, dont la face, en dépit des affirmations de son complice, se marbrait de plaques verdâtres. « Cela veut dire, mon camarade, que chaque chef possède un flûtiste attaché à sa personne et qu'il annonce sa présence par une fanfare qui lui est spéciale. Mon Dieu, c'est tout simple. Dans les pays civilisés, il y a la marche des régiments, des divisions et des corps d'armée. C'est ici à peu près la même chose. Diable, la sonnerie est longue. C'est un grand chef. Moi aussi, bien que ma troupe soit peu nombreuse. Quel malheur de n'avoir pas la moindre trompette. Bon, ça ne fait rien. » Je les ferai souffler chacun dans un flacon de genièvre, ils aimeront mieux ça. Dis donc, fit Bonnet, si on les saluait de quelques coups de fusil. C'est une idée, mais attendons une minute encore. Attention, et préparons-nous. Laisse aller. Les pagaies furent entrés dans la pirogue qui rasait le rivage. Feu ! Criait la voix de l'aventurier. Et 8 détonations éclatèrent à la grande joie des Indiens, qui, ravis de tant d'honneur, se mirent à cabrioler comme des clowns, pendant que le tambour mêlait ses plans, plans, plans sonores aux notes aiguës de la flûte. Benoît descendit le premier, suivi à distance respectueusement par ses 3 compagnons qui rechargèrent lestement leurs fusils. Comme le bateau est l'insigne du commandement dans toute l'Amérique équatoriale, le chef tenait à la main gauche une longue gaffe à pointe de fer munie d'un croc. Il avait son fusil en bandoulière, portait le sabre de la main droite et n'avait pas, en somme, une trop mauvaise tournure. Il fit quelques pas et s'arrêta à la vue d'un Indien immobile à 20 mètres d'un grand carbet. Cet Indien, la tête ceinte d'un diadème en plumes jaunes de cacique, le col entouré d'un superbe collier en plumes de poule blanche, mélangé de plumes rouges et bleues, enlevé au poitrail du toucan et aux ailes de Lara, portait également un bâton. C'était le chef. Il fit 2 ou 3 pas encore et s'arrêta aussi. Une complication d'étiquette allait surgir et amener une question de préséance. Voici pourquoi. Quand un Indien visite un de ses congénères, sa sonnerie particulière indique son rang. S'il est supérieur à celui chez lequel il descend, ce dernier répond par sa fanfare, sort de son carbet, vient à sa rencontre et ne s'arrête que le plus près possible du canot. Il salue, prononce quelques mots de bienvenue et attend d'être présenté par le nouvel arrivant aux personnes de son escorte. Cela fait, il l'amène à son carbet, ses femmes tendent les hamacs, on apporte des cigarettes avec du cachiri et la fête commence. Si les 2 chefs sont du même rang, le visité s'arrête à mi-chemin du carbet au lieu de débarquement. Le visiteur s'avance jusqu'à lui, la présentation a lieu et la cérémonie se termine comme ci-dessus. Si le visiteur est un chef d'un rang inférieur, l'autre ne sort pas de son carbet et le reçoit debout. Si c'est enfin un pauvre diable, un infime roturier, le capitaine reste tranquillement couché dans son hamac, ses femmes vaquent leurs travaux habituels. On l'envoie s'installer dans une case vide où il est, d'ailleurs, comme chez lui. On lui donne des vivres, mais nul honneur ne lui est rendu. Ces cérémonies s'accomplissent avec une gravité sans égale, et jamais grand chambellan, la clé d'or lui battant les reins, jamais introducteur d'ambassadeur, n'ont pontifié avec plus de souci des règles de l'étiquette que ces braves Peaux-Rouges, enluminés de roux coups comme des soldats d'Épinal. Benoît était traité d'égal à égal par le capitaine indien. C'était beaucoup. Mais il s'attendait à mieux. Aussi resta-t-il immobile, en fixant sur son hôte un regard hardi jusqu'à l'impudence. Celui-ci, dernière concession péniblement arrachée à son orgueil, fit quelques pas. Quel est ce capitaine qui reçoit ainsi le grand chef blanc ? Dit avec hauteur l'aventurier en employant l'idiome indien. Ne sait-il pas que je suis le seul grand maître de tous les tigres blancs de la pointe Bonaparte ? L'Indien n'est-il jamais venu à Saint-Laurent ? Ignore-t-il que mes hommes, 100 fois plus nombreux que les siens, sont à 3 jours à peine d'ici ? Le Peau-Rouge, stupéfait d'entendre un blanc parler sa langue, s'avança en s'excusant. Ce n'était pas sa faute. Le nouveau venu n'avait pas annoncé son arrivée par sa fanfare. Il avait entendu dire que le chef de Saint-Laurent avait des flûtes de cuivre. « On t'a trompé. Je t'ai salué avec mes fusils. En as-tu fait autant ?» La raison était d'autant plus péremptoire qu'il n'avait pas d'armes à feu. Aussi le pauvre diable, confus de cette infraction au formulaire de l'étiquette équatoriale, s'avança-t-il avec les marques du plus profond respect vers cet être d'essence supérieure qui possédait en réserve des arguments sans réplique. « Dis donc, Bonnet, » dit-il prosaïquement au blessé qui s'avançait en boitant légèrement, « envoie-lui donc quelques coups de sifflet, ça lui fera plaisir. » Le forçat porta aussitôt ses doigts à sa bouche, poussa quelques notes stridentes qui déchirèrent l'air, puis, comme il était passé maître dans cet art pratiqué par ses anciens compagnons de geôle, il imita le cri du coata, le singe noir, le grincement du toucan, le glapissement du moqueur, le sifflement du cacique, mais avec une intensité susceptible de déchirer les tympans les plus endurcis. Les Indiens restaient en extase. Leur admiration fut d'autant plus vive que le virtuose, n'ayant pas le moindre instrument de musique, accomplissait ce tour de force en mettant simplement ses doigts dans sa bouche. Aussi, l'auréole du chef en reçut-elle du coup un lustre tout nouveau. « Que le capitaine blanc soit le bienvenu, Jacob Baca. » Benoît tendit la main au chef dont il avait entendu parler, car sa réputation de bravoure était arrivée jusque chez les Galibis du bas Maroni. Akombaka signifie « qui vient déjà ». Ce nom lui avait été donné parce qu'il accourait toujours le premier au lieu du péril, soit à la chasse, soit à la guerre. Il commandait une fraction importante d'Indiens émérillons qui avaient émigré du bassin de la Prouague et s'étaient réunis aux débris d'une tribu de Tios décimée par l'alcool et la variole. L'ancien garde Chihoum et ses compagnons furent conduits en grande pompe au carbet d'Akombaka, et la fête commença par une plantureuse absorption de kachiri. Quand la coupe de l'amitié eut été vidée, quand la cigarette eut été fumée, Benoît, qui avait d'excellentes raisons pour se faire bien venir des Peaux-Rouges, ordonna généreusement une ample distribution de genièvre et de tafia. Largesse, qui le fit bientôt révérer à l'égal d'un Manitou de première classe, tant la passion de l'alcool est invétérée chez ces malheureux. La tribu d'Akombaka, assez nombreuse pourtant, présentait un aspect misérable. L'armement des guerriers consistait en casse-tête de bois de lettre, en flèches à pointe fabriquées soit avec un os tiré de la tête de l'Aymara, soit avec un éclat de radius de Coata. Le métal manquait, à peine si l'on comptait 3 ou 4 sabres, autant de haches et quelques couteaux de 5 sous. Ces Indiens étaient maigres, comme après une famine, et Akombaka ne fit aucun mystère à son nouvel ami de la pénurie dans laquelle il se trouvait. Des bonis de Kotika, alliés pour la circonstance avec les Polygounous, avaient ravagé ses abatis, puis s'étaient retirés sans livrer de bataille. Il attendait du renfort et la récolte prochaine pour prendre une éclatante revanche. Benoît vit tout à coup le parti qu'il pouvait tirer de la misère des Indiens et de leur désir de vengeance. Il avait des provisions, des armes, des haches et des sabres en notable quantité. Troc pour troc, il offrait à Akombaka de l'aider à combattre les Noirs, à la condition que celui-ci l'accompagnerait dans son expédition. Le Peau-Rouge enthousiasmé accepta. Il fut convenu que l'on enivrerait la crique. L'on chasserait ensuite le maïpouri, puis les poissons et les pachydermes seraient boucanés. L'on récolterait la plus grande quantité possible de manioc et d'igname, et l'on partirait à la suite du chef blanc. Akombaka eut bien désiré être, comme l'on dit vulgairement, servi le premier, mais Benoît fut inflexible. Le misérable se réservait d'ailleurs, une fois son but atteint, de se retirer de l'association et de laisser son allié se débrouiller comme il l'entendrait. Le traité, qui jamais n'est violé, fut signé à la manière indienne. Le piaï, le sorcier de la tribu, leur tira quelques gouttes de sang et mélangea ce sang à une large rasade de kachiri contenue dans un couï. Les deux alliés en burent chacun la moitié, l'alliance était conclue. 15 jours après, une troupe nombreuse composée de 25 Indiens répartis dans 6 canaux prenait, sous la conduite de Benoît, la direction présumée des montagnes de l'or. Ce ne fut pas sans de vives appréhensions que les Tioé et les Émerillons le suivirent vers ce lieu sur lequel couraient de sinistres légendes. Mais l'aventurier leur ayant affirmé que les Blancs pénétreraient seuls dans le repère de l'esprit des ténèbres, qu'ils auraient ensuite de quoi acheter tout le tafia des Guyanes réunies, leurs hésitations tombèrent bientôt. Le voyage se fit sans encombre et fut couronné d'un plein succès. L'ancien surveillant avait si bien pris ses mesures et la configuration du sol fut à ce point favorable qu'il put accomplir son évolution avec une rectitude pour ainsi dire mathématique. Il reconstruisit du côté opposé sa ligne hypothétique devant passer par la montagne entrevue jadis de la crique au serpent et se prolonger par le rapide. Il calcula l'angle formé jadis par cette ligne et l'aiguille de sa boussole, puis consulta ses notes. On abandonna les canots, qui restèrent confiés à la garde d'une partie de l'équipage, et les hommes se dirigèrent à travers bois, emportant 8 jours de vivres. 12 heures après, la montagne était en vue. Les 4 Blancs laissèrent leur escorte et escaladèrent rapidement la colline. Ils rencontrèrent bientôt des traces de culture. Benoît fit signe à ses compagnons de s'arrêter, et rampant comme un fauve à la chasse, il s'avança sans bruit. Après 1 heure de marche silencieuse, il s'arrêta, cloué au sol, et faillit laisser échapper une exclamation de surprise, presque de terreur. « Mais je connais cette figure-là » murmura-t-il.